voudrais, je les garde pour toi. Tous mes rêves à perte de vue, je les garde pour toi. Tu me fais voyager si librement. La folie habillée de poésie, je deviens vulnérable, libre et vulnérable. Tous mes instants de bonheur, ils font partie de toi. Ces matins noyés de soleil font partie de toi. Rempli de tendresse, tu te moques de mes élans de sagesse. Je deviens vulnérable, libre et vulnérable, libre et vulnérable, libre et vulnérable. S'étire la nuit, tu coules dans mes veines et je tremble de toi. Quand s'étire la nuit, tu coules dans mes veines et je tremble de toi. Sur mes sentiers sauvages, ils sont pour toi. Tous mes feux de désir, ils sont pour toi. Je brûle nos départs et les heures qui nous séparent. Je hurle en poitrine comme un loup perdu. Quand tu es loin de moi, tu es loin de moi, tu es loin de moi. Quand s'étire la nuit, tu coules dans mes veines et je tremble de toi. Quand s'étire la nuit, tu coules dans mes veines. Je tremble de toi. Thank you.